Donc je suis avec Fabien et Alex, donc bassiste et chanteur du groupe toulousain Corporal Punishment, formé en 2019. Donc oui, 2019, c'est ce qu'on vient de dire. 2019. Donc sur Toulouse. Bah, merci les gars d'avoir accepté cette invitation pour parler de. Merci à toi pour l'invitation. De votre groupe. Et de l'album à venir en plus, mais on va y revenir dessus. Est-ce que vous pouvez commencer par me raconter comment vous en êtes venus à jouer tous ensemble, comment vous êtes formés? Allez, bah, let's go. Du coup, on a commencé, ouais, tu me dis. On a commencé comme tribute au début. On jouait des reprises de vieux groupes de Death, Obituary, du Death, du Dismember. Ouais, après on a fait ça pendant un an à peu près. D'accord. On a dû faire quinzaine, vingtaine de reprises à peu près de tout quoi. Ouais, voilà. Voilà, c'est à partir de là qu'on s'est lancé dans la composition quoi. Donc c'est pour ça après on considère 2019 pour le. Ouais. Bah, on était quatre en fait pré-Covid. Et au moment du Covid, il y a d'abord notre guitariste puis notre batteur qui ont jeté l'éponge. Enfin, la période était compliquée, quoi. Et ouais, parce que bon, pas de concert et tout ça. Donc, bon, et puis envie de quelque chose d'un peu moins, violent aussi au niveau de la musique. Donc voilà, voilà. Et du coup, on a recruté du 109, donc des petits jeunes, enfin petits jeunes. Oui, voilà, moyen jeune, on va dire. Tu sais, moi, j'étais le cadet dans l'ancienne mouture. Ouais. Et là, maintenant, je suis un des plus vieux, quoi. Donc les boules. Mais le deuxième. Voilà, des mecs super motivés avec un niveau excellent, donc et puis le courant passe super bien. Ouais, au moins ils sont obligés de te respecter. Ils me respectent pas. ils me respectent pas toujours. Essaye, au moins que tout le monde se respecte. Donc, voilà, c'est déjà. Et, Et voilà, du coup, qu'on a été quatre à l'origine de, donc à l'époque en 2019, et puis après, donc après Covid, on s'est retrouvé au total après qu'on était cinq quoi, au niveau du line-up. Donc avec un second guitariste. D'accord. Et voilà, et la transition du coup a pu se faire naturellement parce que quand on n'avait plus de guitariste, moi étant guitariste à la base, je suis passé de bassiste à guitariste, le temps de trouver un guitariste. D'accord. Et après, je suis resté en guitariste rythmique en fait, pour assister le temps d'apprendre les compositions. Et après, du coup, je suis repassé à la basse, comme c'était à la base. Et puis. On a eu un petit moment avec la batterie enregistrée aussi, ça c'est des sacrés répètes. Voilà, pas trop longtemps heureusement, mais voilà, 2-3 mois on a fait, on avait carrément pris les, de quoi pouvoir continuer à pratiquer un peu et puis maintenir les troupes motivées quoi. Et, Et qu'est-ce qui vous a motivé à switcher justement d'un groupe de plutôt de reprise donc à vrai groupe, ça manquait de respect à tous ceux qui font des reprises et qui le font très bien, mais un groupe qui produit en fait des choses. Après c'est un peu, je pense un peu global quoi, une envie que de ressasser des reprises. Moi j'avais aussi je faisais d'autres reprises aussi, j'avais deux autres groupes de reprises aussi à côté à ce moment-là. D'accord. À l'époque un groupe qui s'appelait Secret Faith où c'était j'étais au tout début en fait à la formation où c'était des reprises de Def en fait époque. Époque Di Giorgio, donc époque plus Human, tous les Individual Thought Patterns, quoi, tous les albums, on va dire, là-bas, il y a un peu plus de quoi jouer. Quoi. Mm-hmm. Et j'étais avec eux au début, et c'est comme ça que j'ai connu en fait, le premier guitariste et batteur, qui, quand ils ont quitté ce groupe-là aussi, ont décidé de monter un groupe corporal avec moi, quoi, à la base, à trois, et que juste après, on a eu Alex qui nous a rejoint. Et et moi faisant déjà pas mal de reprises avec aussi Metal Troopers, qui était un groupe de reprises d'un peu tout, beaucoup en trash, parce qu'on faisait un set de Slayer, de vieux Sepultura, et un set de Def aussi, mais période ancienne aussi. Et donc moi, niveau reprise, j'avais un petit peu le... J'arrivais à saturation, étant donné que toujours avec mes anciens groupes, même je composais tout ça. Donc, du coup, je me suis dit, on va tenter. On a voulu tenter les compos, et puis, naturellement, c'est venu où j'ai fait une large partie comme ça de choses qui ont créé surtout le style du groupe. Quoi. Parce que c'est sûr, on voulait faire rester dans le def, quoi, mais pas quelque chose trop cliché non plus, avoir quelque chose une identité en fait propre, avoir notre son, et puis. Voilà, ouais, c'est vrai que le set de tribute, c'était un bon moyen de se lancer rapidement, de faire de la scène. Enfin, moi, c'était ma première expérience de scène à l'époque. Donc, Justement, j'allais te demander si tu avais fait. Si tu étais passé par d'autres groupes avant ou pas. J'ai fait quelques auditions, mais non, c'était vraiment mes premières expériences de scène. Donc, l'usine à musique, je crois, notre premier concert, ou la Cava Rock. D'abord ça, l'usine, puis la Cava Rock. 2019, justement, c'est à peu près. Quand on a puis moi, tu vois, c'est pareil, j'avais des choses à dire, des textes à écrire, que ça m'intéressait quoi, de tenter l'expérience. Voilà. Et puis après, avec les reprises aussi, ça t'a du coup pas mal aidé niveau placement du chant, quoi. Comment, voilà, avec toutes les reprises qu'on a fait, parce qu'on a fait vraiment de tout, quoi. Qui restait dans le def, en fait, niveau des reprises, mais c'était autant du def américain que du def suédois, du def anglais, on a fait tout. Et donc, du coup, niveau chant, je pense que ça a pas mal aidé à bien. Ouais, trouver ses marques. Ouais, bien s'intégrer. Ouais. Ça y est, on peut dire que c'est bon. Ouais, se professionnaliser. Ouais, voilà. Justement, alors moi j'ai relevé que j'ai écouté votre EP qui est sorti en 2023, donc c'était The New Plague. Voilà, ouais, le 20 avril il était sorti. Ouais. Voilà. Alors bon, on va plutôt parler quand même de votre album qui va sortir donc là, le 7, donc à la fin de la semaine. Ouais, mais enfin. Déjà, moi, j'avais trouvé l'album, l'EP solide, avec des très bonnes bases, tout ça. Et ça vous a permis d'enchaîner là, donc avec un nouvel album qui sort maintenant, qui est Inverted Demise. Voilà, ouais, c'est bien ça. Et bon, juste pour l'EP, mais sans non plus trop s'étendre dessus. Et en fait, à l'époque, voilà, on a fait vraiment en mode autoproduction. Mm-hmm. Donc déjà, l'enregistrement, ça avait duré vraiment très peu. En une journée de studio, on a fait tout l'instrumental et demi-journée juste pour le chant. Mm-hmm. Et c'était en mode vraiment express. Et pareil, tout autoprod. Pareil, j'avais fait le mixage et le mastering dessus. Et moi, j'avais fait juste... j'essayais de juste retrouver le son que je voulais, en fait. Un son plus d'époque, années 90... comme c'était plus old school avant que maintenant, on considère qu'on fait plus du def, quoi. Mm-hmm. Mais c'était plus old school. Du coup, je cherchais une patte un peu à la Scott Burns, un peu des prods d'époque des années 90, toutes les prods Morrison. Et donc après, voilà, du coup, là, pour l'album, voilà, on a fait un studio. Mais cette fois-ci, là, c'était une semaine de studio à peu près en comparaison. Donc, on s'est pas mal plus investi dessus. Tu le vois dans mes notes, mais c'est directement ce que moi j'avais relevé. C'est qu'il y a une vraie... L'EP était très propre, très bien. Ouais. Mais là, sur l'album, on sent qu'il y a vraiment eu un jump en production, en tout ça. Ouais, c'est un gros pas en avant, ça sonne beaucoup plus pro. C'est le ressenti que j'ai eu immédiatement. Et je suppose que ça vous fait plaisir aussi, vous, d'arriver à sortir choses comme ça. Même si c'était beaucoup de boulot, mais après, on s'est bien préparé aussi à l'avance. Quoi. Et puis aussi, on avait Fred Blanchard du studio Silent Ruins là, qui nous a enregistré à l'Île Jourdain. Et en fait, il a fait un très bon boulot dessus. En fait, on a réussi à continuer toutes les parties mixage et puis modification et tout. Du fait que moi, je m'étais pas mal fait la main avec le EP déjà, l'ayant mixé, masterisé. En fait, j'ai pu lui, à distance, lui donner toutes les indications que je voyais pour arranger la chose. Et après, c'est pareil, il y a eu un travail au niveau du chant aussi, pas mal plus au niveau des backings et tout. Il y a eu pas mal plus... C'est vrai qu'on s'est fait plaisir, il y avait plus de possibilités par rapport à l'EP. Puis il avait pas mal de propositions super intéressantes, Fred. Donc, des effets de... comment dire, de double voix, d'écho, de questions-réponses. Et c'est chouette. Ça rend bien. Il a apporté ses idées en plus, ou des petites idées de samples ou d'effets de telle partie, que ce soit pour le chant, ou pareil pour des effets sur la guitare ou la basse aussi. Et puis, surtout pour enrichir le son, quoi, y avoir quelque chose qui aide à développer l'identité du groupe. Avoir un son qui reste... Du coup, ça reste bourrin, mais tout en étant assez fin quand même. Ça reste naturel, en fait. On sent qu'on peut retrouver la même chose en live. On n'a pas l'impression que c'est tellement surproduit que jamais, à moins que ça soit surproduit aussi en live, obtenir ça. On sent qu'il y a eu le bon travail entre les deux. On n'a pas voulu non plus surproduire comme certains groupes peuvent faire, ou par exemple mettre toute la batterie... intrigué tout ça, et du coup ça sonne un peu plastique, quoi. Et là, du coup, on a vraiment ce qui fait qu'en son live, niveau du son de l'album, on peut dire que c'est nous, quoi. Comme ça, c'est fidèle. Et du coup, pour préciser, c'est donc toi qui gères toute la partie écriture de la musique et toi toutes les paroles, Alex. Pour ceux qui ont des paroles, c'est toujours Alex depuis le début. Et puis moi, depuis le début, donc, c'était toute la partie instrumentale. Sauf que petit à petit, ces derniers temps, donc là par exemple sur l'album, On a ben, le guitariste rythmique et soliste en fait qui ont fait une composition de chaque donc sur les 11 titres. Mmh. Et donc parce que le, voilà pour le EP j'avais fait tout le toute la compo quoi, mais après là pour le pour l'album et ben, du coup ouais voilà ça fait que petit à petit j'essaie d'un peu que chacun apporte ses idées en plus et puis après bon s'il y a des choses à arranger tout je fais mais j'essaie d'un peu faire voilà ouais participer tout le monde et puis ils ont envie ouais, aussi ils demandent et puis ils ont des ils ont bon potentiel aussi niveau de quoi faire des choses qui bah, qui varient niveau des compos pour un petit peu que ça reste le même groupe mais enrichir encore plus hein, voilà. Ouais voilà. Voilà tout le monde a ses influences tout le monde a ses à ses préférences puis ça fait un beau mix quoi chacun apporte sa petite patte. Ouais bah en plus il me semble que c'est aussi la meilleure façon que tout le monde soit heureux de produire ce que vous produisez parce que si souvent quand ça devient un one man ou un duo qui décide d'un peu tout, les autres membres sont là mais ont jamais autant le sentiment d'appartenance à leur groupe que quand tout le monde est impliqué quand même. Ouais après ça dépend de ta vision, c'est vrai que avec les anciens membres ils s'en satisfaisaient plutôt bien je trouve de bosser sur les compos que Fab apportait. Ouais, et puis après surtout voilà je demande plusieurs fois et qu'ils me disent un détail parce que voilà ouais quand on fait des compositions voilà on a du mal à être objectif au bout d'un moment quand on est en plein voilà et donc du coup voilà des choses j'hésite pas si ou bon même s'il y a des choses qui sont modifiées par la suite après je vais être le premier à chercher à les améliorer et puis les corriger ou si voilà si un riff me plaît pas hop, je l'enlève et puis je remplace par un autre et puis voilà ouais processus d'écriture est toujours sujet à dialogue donc ouais voilà donc après c'est surtout en plus je leur dis quoi parce que je sais qu'il y a certains dans des groupes des compositeurs c'est voilà on leur dit j'aime pas tel truc ou tout et bon ils ont un peu le voilà ils sont un peu facilement susceptibles moi je sais que je leur dis voilà tel truc qui vous plaît pas et ben hop soit c'est la compo on enlève ou soit on remplace une partie et puis voilà il y a toujours des solutions et après c'est un peu pareil pour tout plein de sujets aussi hein. c'est comme quand on a fait du merchandising aussi quand on faisait les t-shirts voilà j'aime bien toujours un petit peu ben voilà savoir que être sûr que ben que tout le monde dans le groupe et voilà hein, ça que ça reste dans le ouais dans leur optique voilà dans la même essayer de garder ben, comme un groupe en fait comme garder l'esprit d'équipe en fait sur tout ça hein, voilà. Et cet album, en plus, vous allez le sortir sur un label. Donc, le label, c'est M&O Music. Voilà. Alors, je n'ai pas trouvé la nationalité du label. Ils sont français, ouais. Okay. Ils sont de Montpellier, ouais. Ouais ok. Ouais. Bah, ça doit quand même vous faire vraiment plaisir d'avoir trouvé ce label, parce que c'est toujours une reconnaissance d'avoir des professionnels qui sont prêts à vous suivre. Comment ça s'est passé, justement, pour trouver ce label, collaborer avec eux, tout ça? On a pas mal démarché, on a fait le tri et puis même on a essayé des labels ben, pas mal plus gros quoi et puis et donc même des labels étrangers parce que bon après moi n'ayant pas de soucis niveau anglais je sais que même pour communiquer ça aurait pu se faire mais après bon on aimait bien quand même si on pouvait quand même garder pour commencer pas non plus se retrouver sur un trop gros label direct surtout que bon il y a des choses faut un petit peu le temps de se professionnaliser quoi donc du coup on s'est dit si ça peut être un label français pour commencer voilà c'est mieux quoi c'est vrai qu'autant Fab a l'expérience au niveau de la musique etc autant pour le reste du groupe moi compris enfin c'est la première fois qu'on a affaire à un label donc il y a pas mal de choses à découvrir il y a pas longtemps tu vois j'ai découvert la notion de droit voisin bon c'est tout ça c'est des trucs sur lesquels il faut se renseigner il faut peser le pour et le contre etc quoi. Ouais, après il y a plein de trucs spécifiques que pareil pour ce qui est de produire un CD quoi aussi il y a plein de démarches à faire et puis après c'est pour ça là pour la mise en page déjà j'avais fait pour le EP donc après pour le LP après voilà j'étais déjà rodé aussi pour tout ce qui est mise en page et tout donc déjà ça plus pareil tout ce qui est côté merch aussi je m'occupe de toute la partie on avait fait des affiches aussi enfin des flyers donc voilà tout ça le fait de connaître ben ça aide pas mal voilà que plutôt que donc bon en général tout ça je le fais même si je pense d'autres membres dans le groupe pourraient le faire mais bon voilà comme je me dis que ça peut être fait voilà avec le, comme c'est fait maison. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis, bon, moi, souvent, c'est comme en composition, hein, c'est pour le, comme pour les visuels. Si j'ai une idée en tête, hop, je la fais. Et puis, si ça plaît, tant mieux. Ça plaît pas, hop, on modifie. Et puis voilà. Mmh. Ouais. Okay. Et du coup, le label vous a un peu influencé sur votre façon de faire cet album ou pas du tout? Non, ben en fait, on avait carrément, on avait déjà le mastering qui avait été fait, quoi. Donc en fait, là, on était juste au stade pour le pour la pochette où on a mis du temps. Ouais, tout était enregistré. On avait une bonne idée des visuels qu'on allait utiliser. Et c'est vraiment, c'est ça qu'on a envoyé en l'état au label, quoi. Ouais, voilà. Et puis après, on trouvait que ça va, quoi. C'était plutôt correct. On avait quoi pour 11 morceaux, voilà, 44 minutes à peu près de musique. C'était produit dans le style, dans le dev. C'est plutôt. Voilà. C'est, ouais. Donc ça va, il n'a pas demandé à retirer des titres ni rien. C'est beau signe. Donc okay. Voilà. Ouais. Et après, bon, c'est que. Voilà, il y a un bon côté d'être autoproduit, il y a un bon côté d'être sous un label aussi. Donc il faut savoir faire les compromis avec. Et puis voilà, ouais, s'entendre sur les. Ouais, c'est vrai que le plus gros compromis qu'on a eu à faire là, c'était par rapport à la diffusion en ligne, tu sais. Bon, nous on était plutôt, plutôt dans l'optique d'envoyer ça à des chaînes qui diffusent des groupes underground, parce que plus de visibilité, c'est toujours chouette. Ouais. Et c'est vrai que bon, c'était pas possible avec ce que proposait le label. Donc bon, ça c'est le petit compromis qu'on a dû faire. On aurait bien aimé mettre l'album, tu vois, en ligne sur YouTube, disponible à tout le monde. Okay, ouais. Et bon, ça, c'est pas possible. C'est le maximum, du coup, de pas trop spoiler et puis rester voilà, là pour l'instant sur un titre. Et puis après, on a mis juste des extraits sur le Bandcamp, quoi. Mais, mais après, on respecte surtout la date de sortie, quoi. Et puis pour que tout le monde découvre l'album et que ça soit pas. C'est logique. Qu'il se retrouve pas, voilà. Un entier sur YouTube avant la date, 15 jours avant, c'est pas trop c'est comme un film en fait pour le voilà, si un film qui va sortir cinéma, il est déjà en ligne, bon, voilà, ça fait pas trop bon après on fait on s'adapte. Alex, je vais me tourner vers toi pour la question suivante. Au niveau thématique abordé dans ce nouvel album, tu es parti sur quoi ce coup-ci? On est resté sur pas mal de compos qui parlent de différentes formes de violence, de différentes formes de torture qu'il y a pu avoir au fil des âges. Donc ça peut aller, enfin tu vois, il y a une chanson qui parle de la crucifixion chez les Romains. Tu vas avoir une chanson qui parle de l'expérimentation sur les humains. D'autres où c'est plus psychologique. On a une chanson, essentiellement ça. Il n'y a pas trop de cohérence au niveau de l'époque. Je suis allé taper un peu dans toutes les époques historiques, et voilà. Après, c'est jamais trop graphique parce que je suis pas, tout ce qui est le gore pour le gore, la violence crue, ça m'intéresse pas énormément. J'insiste souvent sur la psychologie, sur. Pourquoi plus que pour le. Bon, après c'est pas du Baudelaire, attention, hein, mais bon, je. Ça passe en musique. Je m'amuse à trouver des images, à faire des textes qui sont un peu recherchés, quoi. Ouais. Ça doit être un vrai travail de recherche quand même, parce que même si tu as forcément des connaissances, tout le monde a entendu parler de crucifixion. Il y a quand même, faut quand même réunir des idées pour en parler et en parler correctement. Après, j'ai pas l'ambition d'être documenté. Enfin, je suis pas un historien. Non, je fais ça avec mes connaissances. J'ai essayé de pas dire de bêtises. C'est bon. Après, la différence, je pense surtout sur l'album, c'est que c'est encore plus axé sur différentes époques en fait. Et donc, du coup, ça peut être autant quelque chose de moyenâgeux, quelque chose futuriste quoi même, donc ça pas beaucoup de groupes le font aussi dans le dev, quoi. Ouais, sur Bones to Dust, c'est vrai que c'est plus c'est l'histoire d'un mec qui est perdu dans l'espace parce qu'il s'est retrouvé projeté hors de son vaisseau, donc pas de chance, il sait qu'il va mourir, mais c'est à milieu de trucs plus moyenâgeux comme disait Fab. Voilà, et puis après bon, ça peut venir pour parce que là on a déjà commencé un petit peu le processus pour le NAC. Déjà pas mal avancé là pour un second album, quoi. Donc là il y aurait une idée aussi de concept au niveau des paroles, et donc peut-être regrouper ou faire tout un concept album, on verra bien. C'est ce que je visais, c'est ce que j'ai proposé aux autres membres du groupe, c'est de faire quelque chose qui est plus cohérent sur l'histoire, quoi. Donc soit on fait vraiment, comme dit Fab, un concept album, soit il y a un thème commun, et puis j'explore différentes facettes. Mais je partirais bien sur quelque chose qui est plus Lovecraftien, quoi. Une entité un peu inconnue, un peu bizarre, dont on ne sait pas grand-chose, mais voilà, avec un côté un peu inquiétant, un peu glauque. Voilà, et donc ça, on verra surtout fonction de la musique, comment ça s'accorde. Ouais, bien sûr. Ouais, parce que ça peut... Pour l'instant, voilà, c'est trop tôt de, savoir, mais ça va. Il y a de bonnes bases. Enfin, il va déjà falloir profiter aussi de la sortie de ce premier album avant de... Avant la sortie, on a déjà... Il y a eu quelques passages radio, il y a eu quelques chroniques aussi, et puis pour l'instant, ça va, quoi. C'est que du positif. Donc, ça va. Je voudrais aussi qu'on parle, tu l'as un peu évoqué tout à l'heure, du visuel de ce nouvel album. Alors, c'est une pochette de death metal. On retrouve des éléments assez classiques, je trouve, du death, avec des crânes, des choses comme ça. Enfin, c'est classique, mais en même temps, c'est très joli, c'est très bien fait. Vous l'avez fait faire, je suppose, ou tu l'as fait Non, en fait, c'est un artwork qui avait déjà été fait. D'accord. Et en fait, il se trouve que c'est le même artiste qui avait fait la pochette de notre EP qu'on avait fait donc 2 ans avant, et où en fait il avait du coup plusieurs artworks, et donc celui-ci a collé directement. Enfin, où il y a tout le monde qui est. Ouais. Il avait une vingtaine d'artworks différents là, et puis parce que bon, on a essayé plein de choses avant, et puis en fait il devait porter un autre nom l'album à la base, et on a vu qu'il y avait du mal à mettre tout le monde d'accord, et du coup on va voir avec l'artiste. Donc là l'artiste c'est Blastar Design, et c'est un artiste indonésien en fait. D'accord. Voilà. Et qui avait fait du coup du fait qu'il avait fait la pochette déjà du mini CD, là du coup pour l'album ça collait, ça restait dans le même. Okay. Il a fait le design d'un de nos t-shirts aussi, non, le premier. Et voilà, la première version du t-shirt qu'il nous a resté deux. Parce qu'il va falloir c'est qu'on collector. Voilà, on a fait un deuxième tirage ensuite, mais ça c'était du premier tirage aussi. Donc donc il a pas mal participé dessus. Et puis pour la pochette là en question, du coup ça a collé complètement, donc avec le titre qui se trouve que c'est un des titres en plus préférés de chaque membre dans le groupe, donc du coup on s'est dit on va passer c'est les comme tu dis l'artwork en lui-même est très chouette, quoi, l'aspect un peu procession avec cette tornade d'âme là au milieu, c'est beau vraiment. Ouais. Enfin, quand je l'ai regardé je me suis dit c'est joli, c'est bien fait, c'est les couleurs aussi attirent vachement l'œil, ce bleu un peu électrique, ce violet là, c'est hyper plaisant à l'œil. Et donc ça a fait l'unanimité, cette pochette. Voilà, donc c'est pour ça. Après ça, on sent que quand on voit la pochette que c'est plutôt du def, mais c'est pas trop cliché non plus, et c'est un peu comme pareil pour notre musique aussi, où on sent que c'est du def mais qu'il y a quelque chose un peu différent dedans. Enfin, entre autres niveau des influences, je sais que niveau de la musique, quoi, même s'il y a beaucoup d'influences, ça vient vraiment du death metal, quoi. Mais après j'ai les influences qu'on ressent pas forcément, mais que je sais qu'ils sont là et qu'ils sont hors metal, étant donné que je m'intéresse à pas mal des musiques de films orchestrales, musique classique, jazz et tout ça, ou voire même du rock ancien et tout ça, ça fait que ça m'influence quelque part. Et puis après sur juste le j'essaie de développer une identité vraiment propre au groupe, et puis D'ailleurs, tout au long de l'album, j'ai quand même retrouvé votre patte du début à la fin. Il y a une cohérence, il y a une vraie identité Corporal Punishment, et c'est pour ça là que j'avais comme je disais pour les deux compositions qu'on fait chaque guitariste en fait. Là, c'est pareil, j'ai un petit peu remodifié certaines choses, par exemple les lignes basses et batteries, et un peu la structure pour que ça garde une unité avec les autres compositions et qu'ils font un peu la marque de fabrique de notre style, quoi. Corpo touch. Ce qui fait que sur tout l'album, dans l'ensemble, en fait, c'est cohérent, quoi, surtout. Ouais, Et vous avez aussi sorti, là, récemment, un clip live, Donc, ouais. C'était de la chanson Until the Rope Set Me Free. Ouais. Un peu long comme titre. Ouais, alors, c'est pas la première fois qu'on me le dit. C'est un peu longuet. Ouais, c'est comme ça. Non, mais après ça, c'est pas choquant. D'ailleurs, sur le morceau, ça permet aussi de se rendre compte que c'est très technique, c'est agressif, que la musique est aussi très agressive. C'est vraiment un bon équilibre technicité-agressivité, je trouve. Vous avez pris du plaisir à l'enregistrer tout ça ou c'était plutôt galère parce que avec les caméras ça fait bizarre. Après c'est surtout pour le montage où j'étais un peu limite avec les différentes caméras parce qu'à la base on était censé avoir plus de caméras que ça quoi, on devait en avoir 6 ou 7 quoi, et au final je me suis retrouvé avec 3 caméras parce que les autres ne fonctionnaient pas, donc du coup j'avais un écran noir, donc du coup j'ai dû jongler entre une caméra batterie, une caméra en plan large et une caméra un petit peu intelligente qui se baladait un peu où elle veut, donc certaines fois ça donnait des effets bien et d'autres fois pas, donc en fait du coup j'ai fait le montage pour même si je m'y connaissais déjà un petit peu, mais bon ça m'a permis de essayer, surtout sur le titre, que c'est pas un des plus courts aussi, je crois qu'il fait peut-être 4-5 minutes ce titre. Là ça permettait en même temps de voir ce que ça donne en live aussi en même temps, donc après en live on prend toujours beaucoup de plaisir, on se lâche de plus en plus. C'est toujours pareil, il ne faut pas oublier que dans le groupe, on est plutôt jeune, que pour la plupart d'entre nous, Corporal, c'est nos premières expériences de scène. Ouais. Donc, et petit à petit, on arrive vraiment à se lâcher, tu vois, bouger, appeler le public, faire un peu de show. Et donc, chaque opportunité de faire du live, ça nous plaît vraiment. Quoi. Ouais, et puis là, niveau expérience, ça commence à faire pas mal de dates qu'on fait. En fait, depuis qu'il y a eu le nouveau line-up, on a fait à peu près le double de dates en deux fois moins de temps que quand c'était l'ancien line-up. Quoi. On a fait déjà quelques dates, mais là, par rapport à comment ça a fait. On a une vingtaine de concerts là, avec le nouveau line-up. Au moins, je pense 20, 25 à peu près. L'an dernier, on a beaucoup... on vous retrouvait souvent dans nos annonces de concerts. C'est vrai que... c'est aussi comme ça que moi je vous ai connu. Et vous avez beaucoup de dates, vous avez des choses de prévues niveau live là à venir pour 2025? Alors, on a la semaine prochaine, le 15 mars, on joue à Une Nuit en Enfer. Après, on a une date le 10 mai à Pau. Jam Pub. Voilà. Et tu me parlais tout à l'heure d'une date en juillet, ça. Et après, il y a une date en juillet je ne vais pas donner de détails pour l'instant, qui serait sur Toulouse, mais après, c'est juste à niveau de l'affiche, que ce serait avec un autre groupe étranger en tournée. Donc, il y aura ça en projet. Donc, comme c'est du presque sûr, mais pas du sûr de sûr, j'en dis pas plus. Et donc, les dates, donc la prochaine 15 mars, donc, où il y a, c'est quoi avec nous qui ferons du Def, un groupe de Def Black et puis deux groupes de Black, quoi. Donc, et là, c'est à Saint-Sulpice, Saint-Sulpice, donc sur Tarn, Pas très prochaine, loin. Pas très loin, Et après, je pense que, il y aura forcément d'autres dates. Plus, mais ce qui est à venir déjà d'un premier temps, après, je pense que, il y a quelques festivals aussi, je pense, où on risque d'être bien placé aussi, donc... Et là, dès qu'on a du sur-sur, ça permet de remettre le pied à l'étrier. Il y aura l'occasion de voir ce nouvel album en live. Quoi. D'ailleurs. Et surtout que on s'est focalisé pour faire un set et faire un set comme si on jouait en fait tout l'album. Cette liste actuelle, c'est l'album, c'est pas compliqué. On s'en tient à ça, ça fait un set d'une bonne durée, 45 minutes, voire 50 ans, respire un petit peu. Qui est pas mal pour le style. Et puis après, on verra après par la suite, peut-être on renouvellera, mais déjà on se focalise sur la promo de l'album. Et puis ça marche. Les gars, moi j'arrive au bout de mes questions. Je vous remercie de m'avoir parlé de cet album moi personnellement j'ai bien apprécié. Vraiment, merci à toi. Je me suis régalé. J'invite tout le monde au moins le maximum de personnes qui aiment le Def et ce qui tourne autour à aller écouter ce nouvel album. Et si vous voulez dire un petit mot de la fin. Je vous laisse dire ça. Moi, je vais te dire voilà, juste un petit truc pour notre mini-CD aussi. C'est que à l'époque, ça, c'est une idée qu'on a abandonnée, mais que donc sur l'album, mais pour le mini-CD, en fait, on avait une amie aussi, Laurence, qui faisait aussi des parties clavier aussi, qui a fait des ajouts en plus. Mm-hmm. Donc ça aussi, du coup, ça avait apporté une ambiance aussi à l'époque sur le mini-CD. Et là, mm-hmm. Sur l'album, c'est comme ça collait moins au concept, mais voilà, ouais, donc ça, c'était le petit truc en plus. Donc après, on verra peut-être que pour notre album, on aura d'autres aussi des idées de voilà, ou peut-être avoir des guests chanteurs, on ne sait pas, ou d'autres. Ouais, voilà, qui sait. Ouais. Mais du coup, ouais, c'est pour l'idée, parce que moi, je sais que quand j'ai des idées, j'aime bien les tester, les faire, et puis du moment que ça donne, ben voilà, ouais. Ça marche. Alex, autre chose? Le classique, on est toujours content de voir du monde à nos concerts, donc si vous êtes dans le coin, venez tchatcher, venez nous partager ce que vous avez pensé de l'album, ça nous fait plaisir après. Et voilà, et puis pour l'instant tous les retours sont bons, donc voilà, ça s'annonce prometteur pour la suite. Ouais. Maintenant voilà. il faut passer l'épreuve du public. Ouais, voilà, bon déjà ça va, comment ça, ouais. Pas mal rodé. L'expérience, mais ouais, ça va. Ouais. Que, ouais, du coup, on perfectionne, on fait les voilà. Ouais. Super, merci les gars, merci à toi, merci.